Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Germaine Beaumont, ses parents, sa mère, amie de Colette, ses débuts dans le journalisme, ses célèbres billets désignés comme disques, sa découverte de l'Angleterre, son apprentissage de la langue anglaise qui lui servira plus tard évidemment dans ses activités de traductrice, son goût pour les maisons, leur atmosphère mystérieuse et pour les romans de Dickens, pour le journal de Virginia Woolf, son intérêt pour le beau mythe de Daphné et puis aussi la critique littéraire. De tout cela, Germaine Beaumont, dans les trois premiers volets de la série Le métier d'écrivain, parlait au micro de Roger Vrigny. Dans les trois épisodes suivants, pour clore cette série, elle revenait sur George Sand, sur ses débuts dans le journalisme, sur Colette, sur Jouvenel, sur Pierre Blandin, sur sa conception de la critique littéraire, sur son prix Renaudot, sur sa conception du roman, sur la conception de ses romans. Un écrivain doit simplement écrire comme il sent, comme il a été créé pour écrire. Première diffusion sur France Culture les 30 et 31 janvier et le 1er février 1964. Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Germaine Beaumont, quand avez-vous débuté dans le journalisme ? Si je ne me trompe, j'ai dû débuter en 1919. Et cela correspondait pour vous à un choix, et un choix qui a été imposé par les circonstances, non ? Absolument pas, parce que pour choisir, il aurait fallu qu'on me propose quoi que ce soit. Or, personne ne me proposait rien et j'ai débuté dans le journalisme, je crois que je ne suis pas la seule, par un refus. C'est-à-dire que j'avais porté un article à l'œuvre que dirigeait à ce moment-là Gustave Théry, après la mort de ma mère, et Gustave Théry, ayant lu l'article, me l'a rendu en disant qu'il ne me voyait pas du tout un avenir dans le journalisme. Alors, munie de ce viatique, j'ai décidé de repartir pour l'Angleterre, d'où j'étais arrivée peu de temps auparavant. Et le hasard a voulu que, peut-être même le soir du refus de Théry. C'est possible que ce soit ce même soir, parce que c'était le même quartier, et je descendais la rue du Faux. L'œuvre, à ce moment-là, était rue Royale. J'ai rencontré Colette. Colette m'a vue en grand deuil et fort désemparée, et m'a demandé ce que je comptais faire, ce que j'allais faire. Je lui ai dit, bien, je crois que je n'ai pas de possibilité de faire quoi que ce soit, sinon retourner en Angleterre où j'ai tout de même beaucoup d'amis, où j'ai beaucoup vécu et où je me sens tout à fait chez moi. Et alors elle me dit, mais enfin, tu vas tout de même pas passer toute ta vie en Angleterre, non? Je dis, bah, il faut bien, mais pourquoi n'essaies-tu pas de travailler à Paris? Je dis, bah, je viens d'essayer malheureusement. L'article que j'avais porté à Gustave Théry, Gustave Théry me l'a rendu avec pertes et fracas en me disant que je n'avais aucun avenir dans le journalisme. Alors il vaut mieux que j'essaie de faire autre chose. Elle me dit, mais tu l'as sur toi, ton article? J'ai dit, oh oui, il me l'a rendu, je l'ai sur moi. Alors elle m'a dit, bien, montre-le-moi. Je le lui ai montré, elle l'a lu, elle me dit, écoute, je vais te donner un mot pour Jouvenel, qui est rédacteur en chef du Matin. Et tu vas demain le lui porter, ainsi que cet article. Mais elle n'a fait ce soir-là aucun commentaire sur l'article. Le lendemain matin, tremblante, morte de peur, parce que si j'étais un peu intimidée par Gustave Théry, que je connaissais pourtant énormément, je l'étais encore beaucoup plus par Henri de Jouvenel, qui était à ce moment-là des grands seigneur du journalisme, qui était vraiment très impressionnant. Alors, je suis arrivée dans son bureau avec mon refusé à la main et je le lui ai tendu. « Oh, mon souverain roi, me voici donc tremblante !» Je lui ai tendu mon refusé, il l'a lu. Il a sonné son garçon de bureau et il lui a dit simplement « Descendez cet article à l'imprimerie. » Alors, je n'en croyais pas mes oreilles. Jouvenel m'a dit, écoute, crois-tu que tu pourras me donner 2 articles comme cela par semaine? Parce qu'alors là, je t'engage immédiatement. Et je lui ai promis les 2 articles. C'est comme ça que je suis entrée au matin, où je suis restée jusqu'en 1940, parce qu'à ce moment-là, on ne restait plus au matin. Oui, ce qui marque bien une vocation, comme vous le disiez, Germaine Beaumont. Au fond, cet échec vous a permis de réussir dans la profession. Eh bien oui, seulement... Ce n'était pas tellement probant parce que c'était une affaire d'opinion, là. Gustave Thierry était un très, très bon journaliste. Et Henri Jouvenel, qui était également un très bon journaliste, était, je crois, un meilleur rédacteur en chef, un meilleur directeur. Gustave Thierry m'avait vu tout enfant. Par conséquent, il avait vis-à-vis de moi cette espèce de méfiance des parents qui voient leurs enfants grandir et qui ne les croient pas capables de faire quelque chose par eux-mêmes. Tandis que je connaissais beaucoup moins Jouvenel et qui avait beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de recul dans son jugement sur moi. Et quel était le jugement de Colette? Car elle ne vous a rien dit. Mais quand elle a appris le résidu de l'entretien, elle vous en a parlé. Elle m'a dit après, si je t'ai envoyé chez Jouvenel pour porter cet article, c'est que je l'avais trouvé très bien. Car vous étiez déjà, enfin en termes d'amitié, assez franche et directe avec Colette. Oui, elle n'aurait pas hésité à vous déconseiller. Elle m'aurait dit tout de suite, écoute, non, au fond, Thierry n'a peut-être pas été très gentil dans sa manière, aussitôt après la mort de ta mère, de te décourager. Mais il a raison, voilà, parce qu'elle aurait été très capable de me dire. Et vous avez travaillé avec Colette, alors, au matin, à partir de ce moment-là. Ah bien oui, parce que... comme je suis entrée comme collaboratrice au matin et que Colette a été nommée au même moment directrice littéraire du matin, elle avait besoin de quelqu'un pour l'assister et tout naturellement, je faisais à la fois le secrétariat de Colette et ma collaboration à la rédaction du matin. Quel était le travail d'une page littéraire à l'époque ? À ce moment-là, la direction littéraire consistait surtout pour Colette à... lire et à choisir les contes qui passaient tous les jours dans le matin. Le matin était assez célèbre pour de très bons contes qui, tous les jours, occupaient une colonne et demie. Et à ce moment-là, il y avait également une raison qui nécessitait une présence très capable à la tête de ce service, car les écrivains combattants s'étaient groupés en associations, en conteurs, et ils avaient droit à un certain nombre de contes dans le matin. Par conséquent, il fallait à la fois satisfaire au désir naturel de tous ces jeunes écrivains qui se reclassaient dans la vie civile et en même temps garder une objectivité pour ne prendre que ce qui avait, une réelle valeur. Qui avait vraiment une très grande valeur. C'est d'ailleurs comme ça, peu de personnes le savent, qu'un jour, lisant des contes pour Colette, parce que je faisais un premier tri, je suis tombée sur un conte d'une qualité tout à fait extraordinaire, intelligent, brillant, original. Quel était l'auteur ? Pierre Blondin, le père d'Antoine Blondin. Colette, qui s'est intéressée à lui, qui lui a demandé quels étaient ses projets, il a répondu que... jeune écrivain, enfin journaliste, il n'avait rien devant lui, il ne savait que faire. Et Colette l'a envoyé chez un homme très éminent à ce moment-là, journaliste, publiciste, enfin, qui se nommait Gros-Claude. Et Pierre Blondin est entré chez Gros-Claude comme secrétaire. Il a rendu immédiatement de très très grands services parce qu'il était vraiment très intelligent. Et un jour, il a demandé à Colette si ce ne serait pas possible de trouver parmi ou ses camarades ou parmi des journalistes qu'elle pouvait connaître, quelqu'un qui pût le seconder, lui, comme secrétaire de Gros-Claude, car il avait tellement de travail qu'il ne pouvait pas y arriver. Et Colette, à ce moment-là, avait dans son bureau une jeune nièce de Jouvenel, parente, par sa mère de Casimir Perrier. Et elle était poète, elle voulait écrire. Colette lui a demandé si ça l'intéresserait d'entrer comme secrétaire pour seconder Pierre Blondin chez Gros Claude. Et elle a répondu oui, ça l'intéresserait beaucoup. Et 3 mois après, nous avons appris le mariage de Pierre Blondin et de la nièce de Jouvenel. Et ils ont eu un fils qui est Antoine Blondin. Je suis restée l'amie de Pierre Blondin et de son ménage d'ailleurs. Je suis très fière d'avoir vu quel homme intelligent et remarquable il a pu être. Les circonstances de la vie, un grave accident qui est arrivé à sa femme, l'ont obligé à renoncer au journalisme et, au fond, à une carrière littéraire, de façon à accepter une situation qui lui permettait de faire vivre une femme à ce moment-là très malade et le jeune enfant qui venait de naître. Par conséquent, dans une certaine mesure, la vie de Pierre Blondin a été sacrifiée à son foyer. Mais il n'en est pas moins resté un homme très, très remarquable. Et chose curieuse, Antoine Blondin m'est très cher parce que je retrouve en lui la tournure d'esprit, l'intelligence, le mordant et une sorte de drôlerie percutante qui étaient les caractéristiques de Pierre Blondin. Mais pour Antoine, c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'il est dans l'esprit d'une époque. Alors que pour Pierre Blondin, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était très original et très neuf, sa façon de voir les choses. Mais à votre tour, Germaine Beaumont, vous vous êtes occupée de la page littéraire, ou plutôt vous l'avez dirigée. Dans quelles circonstances ? Quand Colette a quitté, en quelque sorte, la direction littéraire du Matin pour prendre la critique dramatique, à ce moment-là, le Matin m'a chargée de faire une page littéraire. Dans cette page, il y avait donc le conte, il y a eu une critique des livres dont j'ai été presque immédiatement chargée, il y avait toutes sortes d'informations, et je donnais à ce moment-là, dans la page littéraire, surtout un grand article de critique. Mais j'aimerais que vous nous disiez comment vous concevez la critique littéraire. Ah, ça alors, c'est une de ces questions qui me laisse sans voix. Parce que, à dire vrai, je ne sais pas comment je la conçois. Je crois qu'il faut avoir une certaine culture, une possibilité de comparaison, une sorte d'objectivité d'abord, d'oubli de l'auteur et de connaissance seulement du texte, ce qui est toujours assez difficile. Je crois que dans bien des cas, la critique est influencée parce que l'on connaît l'auteur du livre. Et alors, on voit ce qui, par exemple, peut vous paraître amical ou certaines petites nuances d'un tempérament. Vous pensez qu'il s'agit de critique, là. Non, il s'agit d'un jugement sur un être. Il ne s'agit pas d'une critique sur un livre. Or, il faut séparer toujours, dans une certaine mesure, le livre de l'auteur, tout en reconnaissant que ce livre ne pouvait être écrit que par cet auteur-là. Les qualités que vous exigez d'un bon critique littéraire sont évidemment l'objectivité. Vous avez dit une sorte d'objectivité. Sont également la culture, bien sûr. Ah oui, je crois. Mais ne vous semble-t-il pas que dans votre cas particulier, étant vous-même auteur, étant, comme on le dit, du bâtiment, oui, mais étant par ailleurs traductrice, ayant une formation intellectuelle assez poussée et des lectures très nombreuses, il était préférable d'être critique en même temps qu'auteur et non seulement critique. Ça, je ne pourrais absolument pas vous le dire parce que je n'ai pas vu de différence dans ma vie littéraire à ce moment-là. Je passais, si vous voulez, très simplement de l'un à l'autre. Absolument simplement. Il me semblait que j'étais capable de tout faire, non pas par orgueil, si vous voulez, mais par aptitude. Je pouvais écrire un roman et ça ne m'aurait pas gêné, et ça ne m'a jamais gêné d'ailleurs, que d'autres critiques disent que ce roman était idiot ou que les éditeurs le refusent. Vous comprenez ce qui a d'ailleurs été le cas. Parce que ça, mon premier livre a été si abondamment refusé que ça devenait vraiment comique. Vous comprenez, ça c'est vrai. Vous savez, les gens pleurent quand on leur refuse un manuscrit. Je ne vois vraiment pas pourquoi, parce que s'il est refusé par un éditeur, c'est embêtant. Mais s'il est refusé par tous, alors là, on a le sentiment tout de même de son importance. Oui, parce que l'incompréhension si totale doit bien correspondre à un tempérament. Oui, parce que chaque éditeur, du moins dans ce temps-là, où la vie était moins chargée, moins prompte en digression de toutes sortes, chaque éditeur vous disait pourquoi il ne voulait pas de votre livre. Oui, il faisait une critique littéraire, lui aussi, une analyse. C'était assez sommaire, mais enfin, ça disait, par exemple, c'est un peu enfantin. Un autre me disait, c'est un peu recherché. Un autre disait, je vois pas du tout l'intérêt de ce sujet. Un autre, vous êtes dominé par un sujet sans intérêt. Enfin, n'est-ce pas, tout le monde avait une opinion. Aucune n'était flatteuse, naturellement, parce que si elle avait été flatteuse, ils auraient gardé le livre. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Oh, j'ai été refusée comme personne. Et vous êtes donc reparti d'un échec, là encore? Ah bah, c'est-à-dire qu'à force d'avoir ce manuscrit refusé, un de mes amis, qui n'avait d'ailleurs pas du tout de talent, le pauvre garçon, pèse à son âme, m'a dit un jour, mais vous avez envoyé ce manuscrit à tous les éditeurs, avez-vous pensé à... Et il m'a nommé un éditeur auquel je n'avais pas pensé. Bah, je dis non. Il m'a dit, bien écoutez, moi je le connais très bien, je vais lui en parler. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû lui arracher son consentement, je ne sais pas par quel moyen. Il m'a dit après, en riant, il m'a dit, ben voilà, je lui ai dit, mais enfin, au fond, pourquoi ne prenez-vous pas le livre de Germaine Beaumont? Il m'a répondu, bon, ça ne m'intéresse pas. Du reste, je ne l'ai pas lu, enfin, je ne crois pas que ça soit pour moi. Je n'ai pas l'intention d'éditer plus de romans qu'il n'en faut. C'est très fatigant, c'est très, très ennuyeux. Et à ce moment-là, m'a dit mon obligeant ami, oh, j'ai dit, ça c'est ennuyeux. Nous étions assis devant la cheminée, le tisonnier est tombé, je me suis baissée pour le ramasser, et l'éditeur a dû croire que j'allais l'assommer sur place, il ne disait pas oui, et il a dit oui, et ben après tout je vais le prendre. Et je crois qu'il y a eu une fausse interprétation d'un mouvement de cheminée, vous comprenez, dans le cas. Et c'était précisément le roman qui a eu le prix Renaudot. C'est celui-là qui a été refusé par tout le monde. C'était « Le métier d'écrivain », propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Parlant comme critique et comme romancière, Germaine Beaumont, l'exemple de votre vie est un exemple plein de contradictions. Vous nous avez dit la dernière fois que vous étiez critique littéraire, faisant du journalisme, vous avez exercé votre jugement littéraire sur les livres, où il fallait, disiez-vous, une sorte d'objectivité, je reviendrai là-dessus. Vous avez dit également qu'à l'époque, et je pense tout de même encore maintenant, je vous trouve un peu sévère à l'égard des éditeurs, enfin, à cette époque, les éditeurs justifiaient leur refus par des attendus ces explicatifs. Mais il me paraissait très naturel. Et votre roman, votre manuscrit, avait été refusé par presque tous les éditeurs. Enfin, un éditeur l'accepte et plus par une erreur d'appréciation sur un geste, avez-vous dit, que par la justesse de son appréciation sur votre manuscrit. Et ce roman, que tout le monde ou presque a refusé, obtient un grand prix littéraire, le prix Renaudot. Oui. C'est donc un exemple de contradiction. J'aimerais que nous revenions tout de même sur la fonction du critique, parce que l'éditeur l'a peut-être considéré comme un critique littéraire, puisqu'il refuse un manuscrit. Oh, ça, je ne crois pas. L'éditeur est 9 fois sur 10 un homme surmené qui s'appuie sur des lecteurs. Je ne crois pas qu'il existe un éditeur qui puisse lire tous les manuscrits qu'on lui envoie. Par conséquent, il a, ou il avait certainement à ce moment-là, des équipes de lecteurs. Par conséquent, je crois que l'éditeur, là-dedans, n'est que l'interprète d'une opinion générale. Oui, si vous voulez, mais enfin, disons que l'appréciation d'un éditeur fait partie tout de même de ce qu'on appelle le jugement littéraire sur une œuvre. Il y a évidemment les critiques professionnelles, il y a les lecteurs, mais tout cela rejoint le jugement sur une œuvre. Or, on peut se tromper, nous le savons bien, mais pensez-vous justement que pour avoir un bon jugement, il faille être également un auteur? Peut-être que maintenant je dirais cela, mais à ce moment-là, je n'avais pas assez d'expérience, vous comprenez, pour avoir une opinion très, très valable sur ce sujet-là. Actuellement, je pense que chaque fois que j'ai eu à formuler une critique pour un livre, comme par exemple, cela m'arrive au Comité Féminin, à ce moment-là, je suis très soutenue, très fortifiée par ma connaissance du métier d'écrivain, du métier de romancière, si vous voulez. Je connais je crois que je peux dire les souffrances de l'écrivain. Je sais quelle épreuve c'est. C'est une épreuve d'endurance et de solitude qui tout d'un coup prend jour et devient comme un être nu exposé à tous les périls. Quand on n'a pas écrit un livre soi-même, je crois qu'on a une certaine sévérité et qu'on peut avoir aussi une sévérité si on sait écrire un livre, mais ce n'est pas la même. C'est une sévérité tempérée toujours de compréhension et de tendresse. Oui, parce qu'une sévérité peut entraîner une erreur de jugement. Oui, je dois me louer d'avoir été un écrivain. Et cela m'a permis d'avoir de bons jugements et des jugements plus pleins, plus riches, plus émus, si vous voulez. Un livre, pour moi, n'est pas, quand on me le présente, quand je le lis, n'est pas quelque chose d'indifférent. Ce n'est jamais quelque chose d'indifférent. C'est quelque chose qui a coûté de l'inquiétude, de la souffrance, quelquefois des larmes, des doutes sans fin. Évidemment, ça, il y a des auteurs qui sont tellement contents d'eux que ceux-là, eh bien, ils font leur chemin sans critique, n'est-ce pas? Ils naissent contents, ils écrivent contents, ils ont des prix contents et ils meurent contents. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais je parle du véritable écrivain qui est toujours modeste. Parce que le véritable écrivain croit toujours qu'il est en dessous de ce qu'il a voulu. Et en fait, il l'est toujours. Parce que quand je mesure mes propres ambitions et que je vois ce que j'ai fait, je me rends compte qu'il y a un monde entre ce que je voulais et ce que j'ai écrit. Vous comprenez? C'est tout de même une attitude de modestie, mais c'est une attitude véritablement déchirante, ça. Non? Je cherche toujours ce qui peut justifier une œuvre, ce qui peut la rendre plus accessible au public, plus vraie, plus humaine. Quand vous participez aux souffrances de l'écrivain, à mesure que vous le lisez en tant que critique, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne faites pas passer dans votre jugement votre propre humeur, voyez-vous? Est-ce que cela ne peut pas fausser votre jugement? Non, je ne le crois pas parce que chaque écrivain poursuit une idée, poursuit un objectif qui est le propre de sa nature ou de ses ambitions. Et jamais je n'ai l'impression, quand je lis un autre livre, que c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Par conséquent, je suis toujours en dehors du jeu. Et c'est là votre objectivité, alors? C'est là. Je ne me dis pas, ah, mais ça, je comprends très bien. Non, je ne comprends pas. Je prends un livre, c'est tout neuf. N'est-ce pas? Le sujet, l'auteur, tout ça, ce sont des choses neuves pour moi. Elles sont passionnantes parce que je me dis, bien voilà, il y a eu tel travail, il y a eu tel doute, je vois très bien où l'auteur veut en venir, je vois très bien pourquoi il se trompe. Est-ce que vous pensez que la critique littéraire a évolué depuis le moment où vous l'assuriez jusqu'à nos jours? Toute personne qui, ayant écrit un livre, juge honnêtement un autre livre doit se trouver dans le même cas que moi. J'ai entendu formuler des jugements assez curieux qui provenaient de l'ignorance totale qu'avaient les critiques des malheurs de l'écrivain. Il y a des critiques qui se croient le sel de la terre et que c'est tellement mieux d'être critique que d'être écrivain. Rien n'est mieux. Ce qui est bien, c'est de faire bien ce que l'on fait. Mais je ne vois pas pourquoi le critique incapable d'écrire une ligne s'estime capable de juger. C'est justement là le problème. Bah, oui, tout le problème est là, oui. N'est-ce pas? Mais là, c'est tout de même une condamnation que vous prononcez là. Ah, mais pourquoi? Mais contre une certaine catégorie de critiques littéraires. Ça, certainement. Parce qu'il y a des critiques qui ne savent rien faire que dire du mal des livres qu'ils lisent en disant « Ah, mais ça, c'est pas bien. C'est idiot. Ou ça... Mais quoi? Qu'ils le fassent, le livre. » Nous sommes tout à fait d'accord sur la connaissance par l'intérieur, si vous voulez, d'un métier dont on est chargé d'apprécier les résultats. Oui. Il n'empêche tout de même qu'il y a une catégorie de personnes spécialement critiques qui sont elles-mêmes incapables d'un ouvrage de création, mais qui se montrent créateurs dans leur jugement critique. Il me semble que cette race-là existe également. Oh oui, mais elle n'abonde pas. Enfin, si vous voulez, la véritable création dans la critique littéraire, c'est tout de même bien là qu'elle se situe. Oui, si l'on veut. À ce moment-là, Germaine Beaumont, c'est nous refuser à nous, écrivains, tout jugement de valeur sur une autre production artistique. Absolument pas. Plus vous avez d'expérience comme écrivain, plus vous élargissez le champ de votre connaissance de la chose littéraire et par conséquent, vous pouvez embrasser un ensemble d'œuvres beaucoup plus grand que si vous n'avez jamais écrit une ligne. Prenez Sainte-Beuve, n'est-ce pas, qu'on cite toujours... Bon, je vois à bien votre sûr, gracieux sourire sûr. Que vous alliez nommer ce pape de la critique. Eh bien, Sainte-Beuve a écrit de très bons livres. Volupté est un livre remarquable. Non? Oui, c'est la réponse, effectivement. Évidemment, il a pu commettre des erreurs. Elles étaient dictées souvent par des motifs qui n'étaient pas purement littéraires. Mais néanmoins, il savait ce que coûte un livre. Oui, au fond, on ne demande pas à un critique littéraire d'être un bon romancier s'il juge des romans. On lui demande simplement d'être un romancier ou d'avoir essayé. D'avoir essayé, c'est-à-dire de s'être aventuré dans un champ très dur à labourer, très difficile. J'ai entendu des gens qui disent au contraire, moi je trouve que pour être un très bon critique, il faut ne pas avoir écrit un livre. Je ne suis pas sûre que ça fasse un très bon critique. Ou alors, pour des livres qui ne relèvent pas uniquement de la chose littéraire. Par exemple, vous pouvez avoir des critiques d'histoire, des critiques genre spécialisé. Des essais, oui. Des philosophies. Ça, c'est différent. Mais si vous voulez être un critique littéraire, je crois que plus vous avez d'expérience dans la chose littéraire, et plus vous avez des chances d'être un bon critique, ou d'être au moins un critique généreux et, comment dirais-je, indulgent d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que quand on voit un livre que l'on considère comme un navet, il faut dire que c'est un ananas. Je n'ai nommé personne. Mais je trouve que c'est tout de même une bonne chose de savoir la différence qu'il y a entre un navet et un ananas, non? La critique littéraire, Germaine Beaumont, vous paraît-elle tributaire des modes? Ah, des modes. Vous en parlez comme d'un chapeau. Non, non. Moi, je trouve que les modes, il faut les ignorer, parce que le mot mode condamne la durée. Or, une œuvre est faite pour durer. Alors, oui, mais la critique littéraire vit de mode. Oh, elle vit de mode. La littérature aussi. Mais il y a des modes qui n'ont été que des modes pour le moment présent et qui sont devenus des écoles littéraires. Bah, et même quelquefois des mouvements. Oui, mais nous n'avons pas vu le complet prolongement de ces écoles et de ces mouvements. Nous sommes à une époque où les modes se multiplient, mais nous n'avons pas encore vu leur durée. Nous sommes dans un flot qui nous emporte. Mais ne croyez-vous pas que ce soit le rôle du bon critique, justement, de savoir discerner ce qui est purement épiphénomène, pourrait-on dire, et de ce qui est durable. Voilà le jugement où il peut s'exercer sans qu'il soit créateur. Et c'est cela, très souvent, que je demanderais, moi, aux critiques littéraires, c'est d'être en même temps historien littéraire, car vous n'en avez pas parlé. Vous avez dit, il faut qu'un critique littéraire soit un créateur lui-même. Soit, je vous l'accorde. Mais il faut également qu'il ait, par sa culture, et vous avez demandé qu'il ait de la culture, qu'il soit un historien littéraire et qu'il sache bien discerner ce qui est purement accidentel, fortuit, de ce qui est réel et durable. Justement, pour quelqu'un qui s'applique à voir clairement les livres et les courants de l'opinion, je crois qu'il est extrêmement facile de voir ce qui deviendra une mode, parce que rien ne se démode comme une mode, et au bout de 3 volumes parus au même moment et sous la même influence, vous vous rendez compte tout de suite de leur inopportunité. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'au moment du romantisme, il y a eu un tas de petits romantiques qui sont nés aussi avec le cœur en bandoulière et qui... Non, ça, je vous arrête. Il ne faut pas confondre, à mon avis, la très grande réaction contre des classiques qui n'étaient plus que des sous-classiques. Mais là, actuellement, nous assistons à des modes qui ne sont pas justifiés. Le romantisme était à peu près inévitable. On ne pouvait pas toute sa vie aller au théâtre et voir ce qu'était devenu, par exemple, la tragédie classique au début du XIXe siècle. Je pense que c'est absolument insoutenable. Les tragédies de Ponce de Nier, Couchard, Lebrun, eh bien, ce n'était pas de ces œuvres qui devaient élever l'âme à l'infini. Non. Il était nécessaire de casser les vitres. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, que les vitres ont été cassées par cet être de génie qui était Victor Hugo, qui est allé dans l'outrance aussi loin que l'on pouvait aller, c'est-à-dire avec de monumentales idioties, lui aussi, mais qui était rendu nécessaire. Dans le théâtre, par exemple, tous les poncifs que Hugo a pu culbuter, c'était au nom d'autres poncifs. Nous rions, n'est-ce pas, maintenant, en les lisant, il y a des choses qui sont injouables de Victor Hugo. Mais pourtant, il fallait que ce fût ainsi parce qu'il était nécessaire de frapper un très grand coup. Quand on frappe un grand coup, quelquefois on tape de travers, mais quelque chose en reste. Mais alors, vous ne croyez pas qu'à l'époque actuelle, il soit nécessaire non plus d'épousseter un genre traditionnel et qui a déjà ses lettres de noblesse depuis longtemps, qui est le roman? Oh, mais ça, le roman, vous savez, quand on parle de la maladie du roman, moi j'ai envie de rire, parce que le roman, c'est toujours très bien porté. On a des idées sur le roman, mais quoi, le roman dure toujours. Le roman est une expression naturelle de la littérature. C'est-à-dire que nous avons affaire là à un genre, justement, qui n'a pas de loi fixe comme le théâtre pouvait en avoir. Ben voilà, le roman est absolument inévitable, il est absolument nécessaire. Et la preuve que ce n'est pas un genre moribond, c'est que le nombre de romans croît d'année en année, ce qui prouve que vraiment... Il se porte bien. Pourquoi est-ce que tout le monde en ferait s'il allait mal? Moi, je ne trouve pas que ce soit un argument. Parce que si on fait de plus en plus de mauvais romans, cela ne prouve pas que le roman se porte bien. Non, mais cela prouve que toutes les personnes qui essaient de faire un roman reconnaissent un moyen d'expression dans le roman et que ce moyen d'expression leur permettra de s'affirmer. Ils s'affirment bien ou mal, mais ils choisissent quelque chose qui est susceptible, justement, de montrer leur tempérament et leur talent. Ne trouvez-vous pas plutôt qu'il ne s'agit pas de mode, mais qu'il s'agit d'une sorte de mauvaise conscience que les auteurs auraient, à notre époque, de penser que la littérature n'est plus faite pour exprimer l'homme, car c'est finalement cela qui est mis en question. Si on met en question le genre du roman, si on met en question le genre même du théâtre, c'est qu'on n'a plus confiance ni dans le roman ni dans le théâtre, donc finalement qu'on n'a plus confiance dans la littérature. Non. Moi je crois que cela représente simplement un désir maladif de changement et de renouvellement qui est le propre d'une époque extrêmement mouvementée et active. Vous pensez que la maladie est un signe de vitalité? Ben, naturellement, comme les microbes. C'était Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Au cours de nos différents entretiens, Germaine Beaumont, nous avons passé en revue un certain nombre d'aspects de ce métier d'écrivain que vous avez pratiqué pendant toute votre vie. Nous avons vu votre apprentissage, nous avons vu ce contact très fécond que vous avez eu avec l'Angleterre, avec la terre d'Angleterre, où vous avez pris vos racines, dites-vous. Oui. Nous avons vu également comment l'auteur, qui s'était vu refuser son manuscrit par tous les éditeurs, avait obtenu le prix Renaudot. Nous avons vu également comment la romancière comprenait son rôle de critique. Et vous avez insisté sur le fait que pour vous, un critique doit être aussi un créateur. Je voudrais savoir maintenant, quelle est votre conception du roman, de ce genre auquel vous êtes très attaché, dont vous avez eu beaucoup d'expérience, et que représente pour vous un vrai roman? Il y a les deux points de vue du vrai roman. On est obligé de les considérer. Il y a celui que l'on écrit et celui qu'on lit. Le roman que j'écris, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait toujours faire en la circonstance. J'ai écrit pour moi et pas du tout pour plaire à qui que ce soit. C'est une très très grave erreur quand on écrit un roman de croire que l'on écrit pour une catégorie de lecteurs. D'abord parce qu'il y a des milliers de catégories de lecteurs et comme ça se trouve, c'est jamais la catégorie de lecteurs que l'on voulait atteindre qui lit le roman. C'est un fait bien connu. Par conséquent, il faut oublier complètement qu'il y a cette immense salle vide qui est l'auditoire. Quand vous êtes en scène devant une immense salle vide, vous n'avez pas à ce moment-là à vous dire « Eh bien, je m'en vais prendre ce ton de voix, je m'en vais agir de telle et telle manière pour plaire à cette obscurité, à tel fragment d'obscurité. » Vous pensez simplement « J'ai un rôle à jouer, eh bien, je le joue. » Il y a peut-être quelqu'un très haut qui en retient quelque chose ou quelqu'un au premier rang des fauteuils qui se dit « Mais c'est pas mauvais. » Et déjà, si vous arrivez à ça, c'est magnifique. Mais à partir du moment où vous laissez ce qui n'est pas vous devenir plus important que vous-même, ça fait peut-être des best-sellers, j'en sais rien. Mais ça ne fait jamais des grands écrivains. Le best-seller est un hasard heureux et ça ne doit être jamais une entreprise. Moi, j'ai entendu des quantités de fois des gens qui me disent « Mais vous ne croyez pas que si vous écriviez de telle manière, vous... » Ben non, je ne peux pas écrire de telle manière, je peux écrire de ma manière. Et c'est justement là, dans la persistance de la foi que l'on a en soi, dans l'espèce d'indépendance vis-à-vis du jugement d'autrui, c'est par ces vertus-là qui sont très austères que l'on touche des gens, car ils le sentent. Oui, mais alors justement, vous avez répondu également à l'autre question. Exactement. Parce que quand vous sentez cette austérité que vous réclamez mais pour vous-même, chez un autre, pour vous, cet autre est l'auteur d'un vrai roman. Oui, oui, parce que je sens à ce moment-là, et je crois à force de lire, plus encore que d'écrire d'ailleurs, à force de lire, j'ai réussi à acquérir une vertu, hélas, qui ne me donne pas toujours des joies, mais qui est l'art de déceler l'imposture. Je connais, dès que je vois un roman fabriqué, je sais qu'il est fabriqué, on peut me raconter tout ce qu'on veut, ça reste fabriqué. C'est du maquillage sur une joue qui ne supporte plus le maquillage pour des raisons de maladie. Je parle en femme en ce moment. Mais il y a des femmes, elles sont malades, elles sont pâles, Elles se maquillent de façon à faire gaie et elles ont l'air d'avoir un masque. Parce que le maquillage est un plaquage à ce moment-là, ce n'est plus du tout une vérité. Alors parlons des romanciers sans masque, de ceux qui, dans votre jeunesse, dans votre apprentissage de romancière et d'écrivain, vous ont servi de modèle. Je ne peux pas dire qu'aucun livre m'ait servi de modèle, mais je peux vous dire, par exemple, que mon père était un homme très intelligent, il me laissait tout lire. Il me disait qu'il y a dans un cerveau bien fait, il me faisait ce compliment, une sorte de crible naturel, une sorte de filtrage. Évidemment, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il n'y a pas de mauvais livres, il n'y a que de mauvais lecteurs. Je n'aime pas ce qui est un recommencement. Il y a dans la vie du romancier des moments merveilleux, c'est l'évasion du romancier. Vous êtes au milieu d'une existence dont vous mesurez toutes les calamités, tous les ennuis, tous les soucis et tout. Mais, vous pouvez leur échapper. Vous êtes le seul être qui puisse échapper aux contingences. Le seul. Parce que ce n'est pas comme une peinture. Oui, certes, le peintre devant son tableau échappe à la vie. Trop. Mais dans la vie du romancier, dans le roman même, c'est la véritable évasion parce que vous créez complètement un univers. Les villes, les maisons, les personnages, les situations, tout est neuf, tout est nouveau. Vous vivez là-dedans. Mais rien ne vous atteint plus, absolument rien. Oui, mais vous échappez à ce monde extérieur qui est celui de la réalité quotidienne pour vous retrouver dans votre monde intérieur qui est le vôtre. Mais tout cela ne me dit pas si dans ce monde intérieur il n'y a pas des modèles, des natures d'écrivains qui vous conviennent plus particulièrement que d'autres. Non, je ne crois pas qu'on puisse employer le mot modèle parce que cela évoque trop une idée de décalque, de copie et de choses comme ça. Mais il y a à coup sûr des imprégnations. Par exemple, peut-être n'aurais-je jamais écrit les romans que j'ai écrits, et Dieu sait s'ils lui sont inférieurs et s'ils ne lui ressemblent en rien, si je n'avais pas lu George Sand. Elle avait une telle envergure, à la fois ses yeux, très beaux d'ailleurs, j'en parle comme si je l'avais vue, mais je l'aime tellement que je crois l'avoir connue. Elle avait ses yeux admirables qui saisissaient l'infiniment petit et l'infiniment grand. Elle voyait tout. Elle voyait au-delà des choses, elle voyait en deçà des choses. Il y a certaines descriptions de George Sand, par exemple, décrivant l'héroïne assise au bord d'un ruisseau et elle regarde les plantes du talus. Toutes ces plantes sont des plantes infiniment petites. Et la beauté de cette description-là, la connaissance des choses de la nature, c'est en soi une leçon, vous comprenez? Et puis vous prenez un autre livre et alors vous avez des livres immenses comme Consuelo. N'est-ce pas, ces livres qui embrassent tout, un univers, un siècle écoulé, une formation mentale, l'art de la musique. Elle pouvait tout faire. Et alors, elle me donnait, en me donnant son univers, la mesure du mien. Parce qu'il n'y avait pas de raison, je pouvais faire beaucoup moins bien, mais je pouvais voir moi aussi. Je pouvais voir comme elle. Ce qui est particulier, Germaine Beaumont, dans ce que vous me dites, me souvenant aussi de l'influence de la littérature anglaise sur vous, et je pense à Dickens. Oh oui, ça. Eh bien, il y a quelque chose, non pas de curieux, mais en tout cas de symptomatique, c'est que, pour vous, il y a une tradition du roman qui est un roman vaste, un roman même mettant en jeu et en scène des générations. Oui, oui. Le roman fresque, oui, presque, n'est-ce pas? Oui. Par opposition à une autre tradition du roman qui, elle, serait plus française, mais française dans le sens classique, qui est le roman psychologique, le roman moraliste. Est-ce que pour vous, le genre même du roman se rattache davantage à une tradition anglaise? Oui. Qu'à une tradition française? Je crois. Je n'ai jamais évité l'analyse psychologique dans un livre chaque fois que j'ai eu à le faire. Mais il y a dans le roman français quelque chose d'achevé, de fini, de précis. Et d'insuffisant aussi, peut-être, non? Je ne le dis pas, non, je ne le dis pas. Mais moi, je le dis, je le pense. C'est un peu comme un camé. Il y a une perfection de ciselure, une composition, la façon dont les choses sont placées dans un cercle bien dessiné, ça ne me convient pas. Je ne le sens pas. Ça ne veut pas dire que le roman français est un roman court, un roman limité, mais pour moi, il est souvent court et trop souvent limité. Et c'est ce qui explique également que dans la discussion que nous avons eue sur les différentes modes littéraires actuelles, pour vous, le fait que l'on mette en discussion ce genre littéraire est sans objet. Parce que, justement, croyant et ayant pour modèle ou Thomas pour inspiration le genre romanesque vaste, fresque, au lieu d'un genre romanesque moraliste, analyste, comme le roman français, il vous semble que ce genre sera éternel. Oh, mais moi, je n'ai aucune appréhension pour l'avenir du roman. J'apprends tous les jours qu'il va mourir ou qu'il est mort, vous savez. Mais moi, ça ne me touche absolument pas. Ce qui meurt, c'est la diversité des expériences. Mais l'art lui-même, le mouvement du roman, ça ne peut pas mourir, puisque c'est une expression de l'être humain. Et c'est pour ça que même les expériences que l'on fait maintenant, ça ne me gêne pas du tout. Ça m'intéresse. Mais j'ai un peu l'impression que ce sont des expériences de laboratoire et tout ce qui s'est fait en laboratoire. Et il paraît que c'est toujours bénéfique, je n'en suis pas toujours persuadée, mais je crois que c'est nécessaire. On ne peut pas aller sur un élan toujours le même. Et donc sur une facilité. Remarquez que ce n'est pas si facile que ça de faire un grand roman. Le roman fleuve, ça somme les gens dans bien des cas, mais c'est pas facile à faire du tout. C'est beaucoup plus facile de décrire un bouton de porte ou je ne sais pas moi, là, une cage d'ascenseur ou des marches d'escalier. Moi aussi, bon, ça je peux le faire très très bien, mais c'est parce que je peux le faire que je n'ai pas envie de le faire. Vous Qu'est-ce comprenez? Que doit faire un écrivain alors? Eh bien, un écrivain doit écrire comme il sent, comme il a été créé pour écrire. Tous les efforts que l'on fait pour une forme de roman me paraissent contraires à la vocation de l'écrivain, parce que ce sont des choses sans élan, ce sont des recherches. Or, le véritable écrivain avance dans sa voie d'écrivain. Il est un écrivain. Et il se perd. Ah ben, il peut se perdre, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si votre livre est mauvais, les lecteurs ne suivent pas. S'il est bon, ils vous suivent. Mais soit on n'a jamais perdu son temps si on a écrit selon sa pensée, selon son cœur et selon sa vocation. Précisément, cela me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le moyen d'évasion le plus sûr, le plus vrai et le plus illimité. Alors comment voulez-vous que cela meure? Il y aura toujours quelqu'un qui souffrira au point de fermer les portes de la vie et d'entrer dans les portes du roman. C'était Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 30 et 31 janvier et le 1er février 1964. Vous pourrez réécouter cette émission durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.